Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi ? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Le maître indien du sitar, Ravi Shankar, qui a influencé les Beatles et les Rolling Stones, est décédé à l'âge de 92 ans. De nombreuses personnes se demandent maintenant comment on va faire pour se déplacer Shankar. Part de Weber est le politicien le plus recherché sur Google devant le premier ministre Elio Di Rupo et la secrétaire d'État Maggie De Blocq. C'est normal que... Oh, c'est normal. C'est normal que Part de Weber soit le politicien le plus recherché. Tout le monde veut savoir à quoi ressemble un gros con. Oh. Des révélations dans la nouvelle saga de Bilbo le Hobbit. On apprend que Bilbo le Hobbit était moche et qu'il avait une petite bite. C'est nul. Dois-je faire un commentaire ? Non, on passe. Ok, alors on passe. Accouchement de star, Megan Fox est devenue maman. Eh ben ouais, qu'est-ce que je te dis, quoi. Ça arrive au meilleur. Alors quoi. Megan Fox a accouché d'un joli petit renardo. Magnifique. Et fais le tam ta tam tam. Merci. Et pour terminer, si vous aimez les viandes riches et le son dance, achetez-vous un steak d'opa viande de cheval. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, Dimitri, ni oui, ni non, ni. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je ne sais pas. Ni le. D'accord ? Dimitri ? Oui. Ni oui, ni non, ni le. Une minute pour arriver à lui faire dire un de ces trois mots sans que toi tu le dises, évidemment. D'accord ? Ok. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance. Dimitri ? Oh là, non, attends. Dimitri, coupe la radio, coupe le haut-parleur, coupe tout, hein. Ah oui, parce que sinon après c'est un enfer, hein. ça résonne de partout là, on a entendu Aline 14 fois et voilà. Une fois c'est déjà compliqué. Donc d'accord Dimitri ? Oui. Parfait, allez, on y retourne. On commence. Dimitri ? Tu es là ? Salut. Ça va ? Bien, et toi ? Très bien. Tu vas à l'école ? Comme toujours. Et toi ? Moi pas. T'aimes bien l'école ? Peut-être. Peut-être. T'as pas de réponse sûre. Bah, où travailles-tu ? Je travaille chez Fun Radio. Et comment vas-tu ? Je vais très bien, comme toujours. Tu as examen aujourd'hui ? Oui, comme tu dis. Hop là ! Ah là là là là là là là là là là ! La catastrophe ! Oui, t'as bien joué, effectivement, ouais. Malheureusement, ça ne suffit pas, mais tu as bien joué. Ah, c'est dommage, Dimitri. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? T'as vu, alors que t'as 11 ans, elle t'a même pas laissé gagner. C'est vraiment une... Enfin bon. Bon, non. Dimitri, tu reviens quand tu veux, d'accord ? Pour jouer avec nous. Ouais. À bientôt, Dimitri. Salut. Salut à toi, ciao. Oh, il m'a fait de la peine. T'as vu, t'aurais pu le laisser gagner, hein ? Bah oui, mais... Méchante. Mais non, j'ai gagné. Ouais. Saloperie. Honte à toi, franchement. Bon, ça va, je vais le reprendre. Ouais, bah oui, bon, bah, non, bah, de toute façon, il a raccroché déjà, il va vous parler, là. Mickaël à la radio, le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Retour sur la question existentielle avec les pneus. Avec les pneus, bah oui. Parce qu'en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il y a de l'air dans les pneus ? Bah oui. Et je me suis demandé dans quel sens tournait l'air, si c'était dans le même sens que les roues ou si c'était en sens inverse. Bien sûr. Bah Audrey et Aline sont en plein de recherche. Bah oui, actuellement là. Ça bougeait peut-être pas, Bah oui. Non, mais moi je pensais pas que le reste, alors, tu vois. Bah continue à chercher. On va appeler à Morage, hein. Allons-y. En attendant, allez hop, c'est parti, direction Morage maintenant. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que c'est ça ? Oula. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. Posez à une autre monsieur. Bah oui, mais enfin là maintenant je suis là, donc vous pourriez répondre à ma question. Non, très gentil monsieur, on y va. Allô ? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé monsieur, nous avons été coupés. Oui, c'est quoi ? Ben voilà, en fait, je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. Oui, c'est quoi ? Ben voilà, en fait, je me demandais, quand je roule avec ma voiture, est-ce que l'air dans mes pneus tourne dans le même sens que les roues ? Ben, je sais pas, vous n'avez pas vu l'heure qu'il est ? Ben si, j'ai vu l'heure, monsieur, mais je vois pas le rapport. Ben pardon, on n'a pas mis de la nuit, là. Bah pas du tout, monsieur, on est le matin, là. Ah mais bon, vous téléphonez d'où, là? Bah de Bruxelles. Bah de Bruxelles, on est le matin, vous foutez de la gueule du monde, quoi. Bah pas du tout, monsieur. Bon allez, je vous raconte, désolé, au revoir. Oui, mais pour répondre à ma question. Ah oui. Oh mmh. Bon, on le rappelle encore un coup. Ah ouais, il est désolé. Non, mais c'est vrai. Oh. Oui, excusez-moi, mais nous avons encore été coupés, vous n'avez pas répondu à la question. Eh, quoi comme question? Bah, ma question, c'est de savoir si l'air dans mes pneus tourne dans le même sens que les roues. Mais t'as cette couille, quoi? Bah, non, monsieur, enfin, pourquoi vous énervez comme ça? Ouais, non. Je suis d'accord, mais bon, merde, hein. Bah, il y a d'autres personnes qui vont être à votre place, hein. Bah, peut-être, mais enfin, moi, je vous appelle, vous pourriez répondre vous à ma question. La question, quand même, vous cassez plus les couilles, hein. Merde. Eh, oh. La question, c'est eh, quand je roule avec ma voiture. Attends, je comprends pas, j'entends rien déjà. Donc. Est-ce que l'air dans mes pneus tourne dans le mais même sens? J'entends pas, putain, mais toi. Donc, est-ce que l'air dans mes pneus tourne dans le même sens que les roues? Bon, c'est bon, oui. Oh, bah non, il est si proche du but. Oh, je suis très déçu, très bah déçu. Oui, moi très, aussi, très je déçu. Je pensais qu'on allait avoir une vraie réponse. Bah, je pensais aussi, mais qu'est-ce que vous voulez? L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. 0473 86 0013. Retenez le numéro de la ligne anti-relo. Il peut vous servir si vous croisez effectivement un relou. On écoute d'ailleurs le premier message maintenant. Allô, salut, c'est Jennifer. Donc voilà, bon ben, je t'attends toujours, je suis sur le parking. Tu m'avais dit que tu avais les parties chaudes. Moi, j'ai les miches froides maintenant. Ça fait 3 heures que j'attends. J'en ai ras-le-bol. Fais quelque chose, sinon je me barre. Tu m'as déçu, tu m'as vraiment déçu. Et là, tu vas avoir droit au glaçon. Tu vas avoir droit au glaçon. Deuxième message. Oui, Florine, bah écoute, mon mari est parti. Bah écoute, passe à la maison. Hein. Allez, bisous. Mon mari est parti. Mm-hmm. Bah, son mari est parti. Oui, mais il n'y a pas de mal, mais surtout qu'il a pas une fille. Bah oui. Parce que c'était une voix de garçon quand même, non? Non, c'était... Attends, bah c'était... Remets-la. Oui, Florine, bah écoute, mon mari est parti. Oui. Bah ouais, écoute, passe à la maison. Mais en fait, c'est pas très clair. Allez, ouais, bisous. Mec, je suis désolé, mais c'est bon. Louche. Ouais. Mickaël à la radio, le replay.